me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici comme chaque jour de cette semaine conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qui gouverne les gens et qui gouverne la Terre chez les non-modernes? Comment appréhender la diversité des régimes ontologiques sous lesquels humains et non-humains sont assemblés et leur cosmopolitique singulière, s'interroge Philippe Descola. Quelles sont les différences entre les collectifs animistes et les collectifs analogistes? Philippe Descola, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Anthropologie de la nature, nous entraîne dans une grande enquête sur les genres de rapports à la Terre que chaque type de collectif a développé. Il nous propose cette semaine la suite d'un cycle débuté en 2016 sous le titre « Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité », dont l'objectif est, nous dit-il, de reconceptualiser certaines notions au moyen desquelles l'anthropologie décrit et analyse les modalités et les institutions du vivre ensemble dans les collectifs non modernes. L'anthropologue revient à l'Amazonie animiste, où lui-même a mené une grande et illustre enquête ethnographique de 1976 à 1979 chez les Jivaro Achuar de l'Amazonie équatorienne, avant de nous rappeler les complexités des collectifs nomades de la Sibérie et d'ouvrir la grande nouvelle page analogiste entre le continent africain et le monde des Andes dans les prochains cours et la question du roi sacré. Philippe Descola distingue les régimes ontologiques de la manière suivante, et je le cite. « Tandis que les collectifs animistes regroupent une seule catégorie d'êtres, une variété d'humains, une espèce animale ou végétale, une race d'esprit en interaction avec les autres selon les normes de conduite prescrites par le collectif humain localement dominant, les collectifs analogistes forment des ensembles sociocosmiques englobant, puisqu'ils intègrent, tout ce qui est sous le ciel, c'est une expression, pour reprendre une définition de l'Empire céleste. Ainsi, ce genre de collectif est taillé aux mesures du monde, explique Philippe Descola, mais découpé en unités interdépendantes que structure une logique d'emboîtement segmentaire. Enfin, souligne encore l'anthropologue, des symétries spatiales et temporelles et des structures répétitives en réseau abîme le caractérisent. Avant de plonger dans ce système socio-cosmique qu'on a pu appeler société d'ordre, petit retour sur les collectifs animistes tout de suite. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 8 février 2017 pour le cours de Philippe Descola, Les usages de la Terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui, collectifs animistes et collectifs analogistes. J'ai décidé de centrer l'analyse, pour l'essentiel, sur les genres de rapport à la Terre que chaque type de collectif a développé. J'avais commencé l'année dernière l'enquête en examinant d'abord les rapports à la Terre caractérisant des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains, composés chacun des mêmes types d'êtres et régis par les mêmes types d'institutions, des collectifs monospécifiques, donc, qui coexistent au sein d'un même espace et qui entretiennent entre eux toute une gamme de relations qui vont de l'échange à la prédation. Ce genre de collectif est typique de l'animisme, donc, partout où il se déploie. Mais c'est surtout en Amazonie et en Sibérie septentrionale que j'en avais examiné les principes de composition et les modes de fonctionnement. Donc je voudrais rappeler en quelques mots les conclusions auxquelles j'étais parvenu afin de mettre en évidence les contrastes dans les modes de composition et les formes de territorialité des collectifs en régime animiste et ceux des collectifs que j'ai appelés analogistes, collectifs auxquels le cours de cette année va être consacré. Les différences entre les deux genres de collectifs, animistes d'un côté et analogistes de l'autre, sont multiples. Mais la plus importante réside dans la nature de leurs membres. Les collectifs animistes, je l'ai dit, sont monospécifiques. Ce sont des espèces conçues comme des tribus ou des tribus conçues comme des espèces, chaque collectif regroupant une seule catégorie d'êtres, une variété d'humains, pour ça qu'on emploie le terme tribu ou ethnie, si vous voulez, une espèce animale ou végétale, une race d'esprit, etc. Tandis que les collectifs analogistes sont des ensembles sociocosmiques à composition hétérogène qui ramassent dans leur enceinte et enserrent dans leur subdivision interne la totalité des êtres reconnus par les éléments humains de cet assemblage. Alors revenons un instant aux spécificités des collectifs animistes. Il importe en premier lieu de rappeler que les collectifs humains sont vus en régime animiste à l'instar des collectifs animaux. Autrement dit, les outils, les armes, la langue, les parures, l'habitation, les techniques, les formes d'autorité, tout ce qui est d'ordinaire conçu par les modernes comme des attributs culturels typiques d'un groupe humain, tout cela est au contraire vu en régime animiste comme des attributs naturels intrinsèques à l'espèce particulière d'humain qu'il caractérise, de la même façon que la forme du bec, la couleur du plumage, le type de nid, le régime alimentaire et les messages sonores vont permettre de différencier telle ou telle espèce d'oiseau. En outre, les membres des collectifs animistes, je le rappelle aussi, se voient tous eux-mêmes comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique. Tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît avec ses caractéristiques propres qu'aux yeux des autres collectifs. Autrement dit, l'identité d'un collectif, elle n'est jamais visible que par les autres. Et cette distorsion des points de vue que beaucoup de mythes amazoniens exploitent est toutefois loin de régir les interactions ordinaires entre les membres des collectifs humains et les membres des collectifs non humains, lesquelles interactions se réalisent surtout sous les espèces de rapports de personne à personne, marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude, engageant des devoirs mutuels dont l'analyse révèle une véritable sociologie comparative. Alors, une caractéristique commune de la territorialité des collectifs animistes, c'est la différence dans la forme qu'elle revêt selon que l'on a affaire à des collectifs humains et à des collectifs non humains. Les tribus espèces d'humains occupent en général des territoires qu'ils ne partagent pas avec d'autres tribus espèces d'humains, tandis que les tribus espèces de non-humains utilisent le plus souvent les mêmes espaces que les tribus espèces d'humains et d'autres tribus espèces de non-humains. Autrement dit, les territoires des humains qui, dans le monde animiste, exploitent en général les mêmes ressources, à l'échelle régionale, bien sûr, et qui entre ainsi en rapport avec les mêmes types de non-humains, ces territoires sont le plus souvent exclusifs. Et ils s'organisent selon un modèle concentrique avec un gradient de contrôle décroissant par rapport au site d'habitat. Tandis que les territoires non-humains, ceux des animaux notamment, se structurent plutôt de façon complémentaire sur le modèle de la niche écologique dans laquelle cohabitent différentes tribus-espèces, soit pour exploiter des ressources différentes, soit pour partager la ressource, une ressource, sous le régime de la commensalité lorsque cette ressource est abondante. De ce fait, le rapport à la terre des tribus-espèces humaines peut être assez différent de celui des tribus-espèces non-humaines. Et j'en ai donné plusieurs exemples, j'en ai examiné plusieurs modalités l'année dernière, en Amazonie, en Nouvelle-Guinée, en Sibérie et en Mongolie. Je le rappellerai brièvement, dans le premier cas, celui des Indiens Atchouars de la forêt tropicale humide de l'Équateur, qui vivent en habitats dispersés et ont une très faible densité démographique, on constate que plus les non-humains significatifs, qui jouent un rôle important à la fois sur le plan symbolique, disons, et dans la vie quotidienne, c'est-à-dire les mammifères terrestres et arboricoles et les esprits qui les représentent, plus ces non-humains sont localisés à la périphérie des aires parcourues chaque jour par les humains, plus leurs territoires propres deviennent nettement définis et plus leur collectif acquiert de l'autonomie, de l'indépendance vis-à-vis des collectifs des humains. Dans le deuxième cas, celui des Kaswas de la région du Mont Bozavi en Nouvelle-Guinée, par contraste, les territoires des clans forment chacun des niches écologiques singulières qui sont partagées par des groupes d'humains et par des groupes de non-humains. Les groupes de non-humains, ce sont par exemple des colonies de sagoutiers, des animaux et des races d'esprits. Il y a donc ici, dans ce cas, dans le cas des Kaswas, coïncidence dans l'espace des milieux de vie de nombreuses tribus-espèces, lesquelles doivent trouver entre elles des accommodements. Par rapport à la situation amazonienne, les collectifs animistes de Sibérie septentrionale ont ceci de particulier, qu'ils sont assez nettement contrastés du point de vue du rapport à la Terre entre, d'une part, des collectifs humains qui sont très généralement nomades, mobiles et peu territorialisés, et d'autre part, une catégorie de non-humains, les esprits du lieu, qui sont au contraire hautement territorialisés. Or, comme le montre l'évolution sur un siècle des rapports avec les esprits qu'entretiennent des populations de Sibérie septentrionale, j'avais pris l'exemple des Yukagirs, les esprits des lieux, c'est-à-dire l'esprit responsable de telle montagne, de tel site, de telle rivière, de telle forêt, ont peu à peu pris le pas sur les autres catégories d'esprits, en sorte qu'ils sont devenus les principaux responsables des animaux sauvages, au point de se convertir assez souvent en esprits auxiliaires des hommes lorsqu'ils chassent dans les parages où ces esprits ont en quelque sorte leur juridiction. En outre, cette territorialisation des esprits s'accentue non seulement avec le temps, mais aussi à mesure que l'on descend vers le sud, c'est-à-dire depuis le nord de la Sibérie et jusqu'à la Mongolie. La frange septentrionale de la Sibérie est marquée par ce que l'on pourrait appeler un animisme symétrique. Il est caractéristique aussi, d'ailleurs, de l'Amazonie et du nord de l'Amérique du Nord. C'est un animisme dans lequel humains et non-humains ont le même genre d'intériorité. D'une certaine façon, on peut dire que ce sont tous des esprits. Et ils se distinguent par leur disposition physique et par le point de vue sur autrui que ces dispositions physiques rendent possible. Tandis que la Sibérie méridionale et la Mongolie sont caractérisés par ce qu'on pourrait appeler un animisme dissymétrique, c'est-à-dire à la fois hiérarchisé et fragmenté par le pluralisme ontologique, un animisme donc dans lequel on perçoit nettement les prodromes d'un régime analogiste. Alors, j'en ai pris quelques exemples, je pense aux populations, par exemple, du nord de la Mongolie, comme les Douka, qui offrent un très bon exemple de cette inflexion analogiste. Bien que les principes de recrutement des collectifs soient, dans le cas des Douka, typiquement animistes, hein, ce sont les humains, les non-humains, comme dans tout régime animiste, ont une intériorité similaire, et ils se différencient par paquets du fait des comportements particuliers qui induisent leur disposition physique. Mais ces collectifs et les êtres qui les composent sont néanmoins ordonnés par une double hiérarchie, une hiérarchie qui est à la fois interne au collectif humain et une hiérarchie entre les collectifs humains et les individus non humains d'autre part, de sorte qu'à chaque position statutaire chez les humains correspond une position statutaire chez les non-humains. Et le fait que chaque catégorie d'êtres n'entre en relation qu'avec une autre catégorie d'êtres de même niveau hiérarchique engendre la constitution de sphères d'interaction cloisonnées entre humains et non-humains, sphères d'interaction qui prennent l'apparence d'autant de micro-territoires exclusifs, eux-mêmes hiérarchisés et parfois d'ailleurs délimités dans l'espace. En Mongolie proprement dite, enfin, dernier exemple que j'avais pris, chez les Dor, chez les Dahad, on constate un double phénomène. D'une part, la compartimentation des genres d'interaction entre les êtres augmente à mesure que devient prépondérant ce qu'on pourrait appeler le régime ontologique mongolien, que l'on peut envisager comme une sorte de groupe de transformation permettant de passer d'un animisme dissymétrique à un analogisme distribué. D'autre part, cette segmentation s'appuie sur une forme spécifique de rapport à la Terre. Et dans ce passage de l'animisme à l'analogisme, deux éléments paraissent jouer un rôle crucial. D'une part, certains êtres, les esprits du lieu toujours, ne cohabitent plus dans des collectifs, mais vivent seuls, dans des territoires qu'ils contrôlent. Ils se démarquent ainsi du régime de l'animisme, de l'existence qui est toujours collective, en particulier l'existence des esprits. Et ils deviennent ainsi des singularités, singularités qui sont disponibles pour une diversification ontologique plus ample. L'osmose entre un site et un être, un génie du lieu, l'être devient en quelque sorte l'hypostase du site dont il est la condition d'accès, cette osmose tranche ainsi sur le mode d'existence généralisé des esprits dans l'animisme symétrique où ces derniers, je l'ai dit, forment des associations typiquement semblables à celles des humains. D'autre part, la capacité ouverte à tous d'endosser le point de vue des membres d'un autre collectif subit, dans certaines régions de Mongolie, une importante mutation en ce qu'elle perd sa dimension interspécifique pour devenir plutôt intraspécifique. Autrement dit, les échanges de perspectives ne se produisent plus, comme c'est le cas en Amazonie ou en Amérique du Nord, ou dans le nord d'ailleurs de la Sibérie, les échanges de perspectives ne se produisent plus entre les humains, les animaux et les esprits, mais entre des humains dans différents états d'existence. Des fantômes, des moitiés d'humains, des ancêtres, des humains miniatures. Il y a une grande imagination de ce point de vue-là chez ces populations de Mongolie. Donc des humains dans différents états d'existence, lesquels offrent autant de points de vue disparates et échelonnés le long d'un axe marqué par une forte hiérarchie. Car en Mongolie, les puissances invisibles se répartissent en fait en deux séries. L'une est horizontale, elle est formée des esprits qui interviennent dans la vie des humains au quotidien. L'autre série est verticale et elle est composée par des êtres célestes hiérarchisés, qu'on appelle des ciels, Tenger. Ces ciels sont des générateurs de particularismes. Chaque ciel est en effet, chacun de ces êtres célestes hiérarchisés, est dépositaire d'attributs spécifiques qu'il contribue à entretenir et à diffuser, de sorte que la hiérarchie des ciels introduit la multiplication des singularités, qui est une caractéristique des régimes analogistes, tandis que la série horizontale des esprits et des quasi-humains incarne le terreau commun de l'animisme symétrique. Or, les deux régimes ontologiques sont ici compatibles car ils fonctionnent dans des sphères et à des échelles différentes. Donc, en Mongolie, la notion classique de territoire, comme une portion d'espace appropriée et contrôlée par une société, est ainsi inadéquate. Elle l'est en particulier pour qualifier le mode d'existence spatiale de la pyramide des points de vue, pyramide des points de vue transcendante, incarnée par les ciels, par ces êtres célestes hiérarchisés, et que le chaman s'efforce de gravir afin d'acquérir une perspective plus englobante, c'est-à-dire subsumant un grand nombre de perspectives subalternes. Donc chaque ciel a bien un domaine de compétence, représente un attribut singularisé du monde, mais il ne constitue pas une sphère d'interaction, à l'instar de la hiérarchie des domaines d'échange entre humains et non-humains, qui est caractéristique du cosmos de peuples plus septentrionaux comme les Duka. Donc on est ici comme suspendu à l'orée de ces collectifs de type analogiste, dans lesquels l'ensemble des êtres et des états du monde forment un gigantesque assemblage socio-cosmique sans extériorité véritable et dans lequel donc les territoires et les associations d'êtres distincts qui cohabitent en régime animiste cèdent le pas à une vaste totalité qui n'accueille pas la différence à son pourtour, mais qui la digère en son sein. Et c'est le rapport à la Terre dans ce genre d'assemblage qui va constituer l'objet du cours de cette année. Alors on vient d'entrevoir, par contraste avec les collectifs animistes, certaines caractéristiques des collectifs analogistes. Il est temps maintenant de mieux les définir, notamment pour les membres de l'auditoire qui ne sont pas familiers de ces concepts et des développements que je leur ai consacrés. Il faut toutefois auparavant dire un mot de ce qu'est une ontologie analogiste. Ce mode d'identification que j'ai décrit pour la première fois dans « Par-delà nature et culture » il y a pas mal d'années, ce mode d'identification repose sur la conscience de l'émiettement de l'ensemble des existants en une multitude d'états, d'essences, de formes, d'aspects, de substances, de qualités, séparés par de faibles écarts, parfois ordonnés dans une échelle graduée, de telle façon que tous ces contrastes qui composent les objets du monde se trouvent disponibles pour être combiné dans un dense réseau d'analogies connectant les caractéristiques des objets distingués. Et cette manière de distribuer les différences et les ressemblances lisibles sur la face du monde est très commune. Elle s'exprime, par exemple, dans les corrélations entre microcosme et macrocosme qu'établissent la géomancie et la divination chinoise, l'astrologie des civilisations antiques de la Méditerranée ou l'architecture sacrée médiévale. Elle s'exprime aussi dans l'idée, courante en Afrique que des désordres sociaux, l'inceste, le parjure, l'abandon des rites, sont capables d'entraîner des catastrophes climatiques, ou au contraire, dans l'idée que la bonne santé du corps du roi est la condition de la fertilité du royaume. Elle s'exprime aussi dans la théorie médicale des signatures qui fonde l'étiologie et la thérapeutique des maladies sur la ressemblance que des substances ou des objets naturels présentent avec des symptômes ou avec des parties du corps humain. Et c'est une théorie aussi commune dans l'Europe prémoderne qu'en Extrême-Orient ou dans les civilisations précolombiennes de Mésoamérique. Dans tous ces systèmes de correspondance, c'est l'utilité finale, herméneutique ou prédictive, qui importe. Et bien que ces réseaux d'analogie puissent prendre une forme réflexive et dogmatique, par exemple dans les traités de médecine de la tradition chinoise ou de la Renaissance européenne, c'est au premier chef dans des dispositifs pratiques qu'ils sont repérables, dans les soins du corps et de l'âme, dans la prévision du futur, dans la disposition et l'orientation des sites et des édifices, dans l'appariement des personnes. Et à cet effet, toutes les similitudes et les résonances offertes à l'inférence par l'observation sont mobilisées au profit de la recherche du bonheur, du succès et de la santé, ou de la recherche des causes de l'infortune, du malheur et de l'échec, à partir de l'hypothèse que les qualités, les mouvements ou les modifications de structure de certains existants exercent une influence sur la destinée des humains ou sont eux-mêmes influencés par le comportement de ces derniers. Donc l'obsession de l'analogie devient un trait dominant, affirmé avec une vigueur d'autant plus obsessive que ses effets dans la vie quotidienne sont réputés plus cruciaux. Et c'est en raison de cette prépondérance, et malgré le fait indiscutable que la pensée analogique par ailleurs est universelle, que le qualificatif d'analogique m'a paru le plus idoine pour désigner ce schéma d'identification. Pourtant, l'analogie n'est ici en quelque sorte qu'un remède à la conscience de ce que le monde est discontinu. Et le moyen donc d'entrecroiser des éléments disjoints dont il est composé en un tissu d'affinité et d'attraction signifiante ayant toutes les apparences de la continuité. Au fond, c'est la conscience du discontinu qu'on essaye d'effacer pour fabriquer une sorte d'illusion de continu. Mais c'est au fond malgré tout un échec, puisque c'est la différence infiniment démultipliée qui est l'état ordinaire du monde, ce que nous pouvons d'ailleurs tout constater chacun d'entre nous à tout moment, et c'est la ressemblance qui devient le moyen espéré de rendre le monde intelligible et supportable. Alors, on a de très nombreuses illustrations de ce mode d'identification analogique. Je pense évidemment à la Chine impériale, aux grandes civilisations de l'Extrême-Orient, mais aussi à la Polynésie, à la Mésopotamie, à la Grèce et l'Égypte ancienne, à l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance, aux civilisations de l'Afrique de l'Ouest ou à celles des hautes terres du Mexique et du Pérou. De ce point de vue-là, on n'a pas défaut d'exemple à exploiter. Le Collège de France et France Culture vous présente l'anthropologue Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité, aujourd'hui collectifs animistes et collectifs analogistes. Alors passons maintenant aux caractéristiques des collectifs dans lesquels une ontologie analogiste s'exprime. Ces collectifs furent jusqu'à une période récente, et pendant probablement assez longtemps, les plus nombreux à la surface de la Terre, et ce sont ceux auxquels l'anthropologie a consacré, depuis un siècle, l'essentiel de son attention. En effet, et si on regarde par contraste ce qui se passe avec l'animisme, les grands blocs de l'archipel animiste, l'Amazonie, le nord de l'Amérique septentrionale, la Sibérie, ces grands blocs, ils sont restés, grosso modo, à l'écart du mouvement de la colonisation, pour l'essentiel jusqu'à la fin du XIXe siècle, et ils n'ont fourni, pendant longtemps, à la réflexion européenne que des motifs de perplexité. Tant était grand l'écart qu'il présentait avec nos institutions et avec nos modes de pensée. Par contraste, l'Europe coloniale s'est très tôt confrontée à de vastes collectifs analogistes qu'elle s'était donné pour mission de conquérir, d'administrer, de piller. D'abord les Mexicains et les Mexicas, si on veut dire, mais aussi leurs voisins, et les Incas au XVIe siècle, puis évidemment l'Afrique, l'Inde, l'Insulinde, l'Indochine, la Polynésie au XIXe siècle, ou bien c'était aussi, dans le cas de la Chine et du Japon, des collectifs que l'Europe avait besoin de mieux comprendre pour des raisons autant de curiosité intellectuelle. On pense évidemment aux travaux des jésuites en Chine au XVIIIe siècle, que pour des raisons évidemment aussi d'intérêt commercial. Il en a résulté une masse considérable de connaissances sur les collectifs analogistes, canalisées par les disciplines d'érudition rangées sous l'étiquette de l'orientalisme, ou bien des antiquités américaines, comme on disait jadis, et par l'anthropologie sociale et culturelle, principalement l'anthropologie sociale et culturelle pratiquée par les deux grandes puissances coloniales modernes, l'Angleterre et la France. Pour ces raisons, en grande partie conjoncturelles, les collectifs analogistes dominent dans les objets d'études de l'anthropologie, à tel point que l'on pourrait presque dire que l'anthropologie s'est construite à son insu comme une théorie implicite de ce type particulier d'assemblage. Quelle est la caractéristique principale de ce genre de collectif? Elle est très simple. C'est qu'il est co-extensif avec le monde. Autrement dit, cosmos et société humaine sont ici indiscernables, quels que soient par ailleurs les types de segmentation interne qu'un ensemble aussi étendu requiert pour demeurer opératoire. Alors, en effet, aux yeux, bien sûr, de ceux qu'ils composent, ce genre de collectif est taillé aux mesures du cosmos tout entier, mais il est découpé en unités constitutives, interdépendantes, que structure une logique d'emboîtement segmentaire, d'où le rôle exorbitant, pourrait-on dire, que remplit l'analyse des systèmes segmentaires ou des sociétés segmentaires dans l'anthropologie sociale et culturelle, française comme anglaise. Donc on a des lignages, des moitiés, des castes, des groupes de filiation de diverses natures qui vont étirer les connexions des humains avec les autres existants depuis l'inframonde jusqu'à l'empyrée. Et la sociologie, comme l'histoire, ont appelé ça des sociétés d'ordre, que l'on songe par exemple à la trifonctionnalité qui est repérée par Dumézil dans la mythologie indo-européenne avec sa séparation entre le domaine sacerdotal, le domaine guerrier et le domaine productif, que l'on songe à l'opposition classique qui avait été proposée par Henry Maine, l'un des fondateurs de l'anthropologie, un spécialiste de droit comparé, entre les sociétés à statut, qui sont en réalité typiques de l'analogisme, et les sociétés à contrat. Mais C'est une chose de dire que ce sont des sociétés d'ordre, et c'est le cas de le dire, mais c'est à la condition de préciser que ces ordres s'étendent bien au-delà de la sphère humaine. À la manière, par exemple, de la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire cette conception du plan et de la structure du monde qui fut dominante durant le Moyen-Âge et à la Renaissance. Pour rappeler en un mot, hein, la grande chaîne de l'être, et pour reprendre la définition d'Arthur Lovejoy, qui lui a consacré un ouvrage célèbre, cette chaîne, elle est composée, je cite Lovejoy, d'un nombre immense de liens se déployant en ordre hiérarchique depuis les sortes d'existants les plus humbles, à peine détachés de la non-existence, en passant par toutes les gradations possibles jusqu'à l'ens perfectissimum, chacune de ces sortes d'existences se distinguant de celle qui lui est immédiatement supérieure et immédiatement inférieure par le plus petit degré possible de différence. Ça pourrait être une très belle définition de l'obsession analogiste, d'une certaine façon. Donc, par ce dispositif ontologique, la grande chaîne de l'être, qui assure la distribution des êtres dans tout l'univers, une solidarité générale est établie entre eux, qui empêche de considérer les humains comme un ensemble aisément séparable, puisque... Et là, on a chez les pères de l'Église beaucoup de réflexions sur cette question, par exemple chez saint Augustin, qui soutient qu'aucun maillon de la chaîne de l'être ne peut être privilégié, dans la mesure où seul est parfait l'ensemble que les choses ordonnées forment au regard du projet divin. Donc si un collectif analogiste contient en droit le cosmos tout entier, rendant illusoire la possibilité d'isoler en son sein un ensemble autonome d'humains que l'on pourrait appeler une société. Chacun des segments qui composent cet ensemble est lui-même une association composite où figurent des humains, des sites, des animaux, des ancêtres, des montagnes, mille autres choses encore, qui participent à leur place à la diversité du monde dont le collectif est l'expression. L'organisation des Tzotzil et des Tzeltal du Chiapas en sections endogames appelées Kalpul, K-A-L-P-U-L, en est un bon exemple, après l'exemple que j'avais donné de l'Ailu dans les communautés andines. D'une certaine façon, c'est le même genre d'entité, de segment. Qu'est-ce que c'est qu'un Kalpul? Ce sont des unités qu'on ne saurait vraiment définir ou qualifier comme des moitiés, encore qu'on l'a fait à une certaine époque dans la littérature ethnographique sur le Chiapas, puisque certaines communautés ont trois ou cinq Kalpul. Mais en revanche, ces unités possèdent certains des attributs caractéristiques des moitiés dans la littérature ethnographique. Ce sont des segments sociaux et cosmiques qui mêlent humains et non-humains, en même temps qu'ils constituent des personnes morales exerçant un contrôle sur l'avenir foncière, c'est exactement le même cas que chez les Ailu, et qui exercent aussi un contrôle sur les individus compris dans leur juridiction. Lorsqu'il n'y a que deux sections, qui est le cas le plus fréquent chez les Tzotzil et chez les Tzeltal, la démarcation de ces Kalpul recoupe perpendiculairement la ligne de pente du territoire au niveau du village, de sorte que la moitié ou la section qui est prééminente sur le plan rituel, sur le plan symbolique et parfois sur le plan démographique, se situe vers le haut, associée aux montagnes, aux divinités autochtones qui résident dans ces montagnes, son saint patron étant celui de la communauté tout entière, tandis que la section du bas, à partie liée avec les terres basses, on est au Chiapas, donc dans un massif montagneux et de hauts plateaux qui descend progressivement vers la forêt tropicale humide vers le sud, vers l'abondance agricole aussi, et vers le monde des démons et des non-indiens. Autrement dit, la supériorité numérique et cérémoniale de la moitié du haut n'est qu'une expression d'un schéma plus général de segmentation de l'univers en paires d'éléments complémentaires, dont on va dire que l'un est un aîné et l'autre un cadet ou un mineur, et donc chaque montagne majeure est accompagnée d'une montagne mineure, chaque grotte aînée est accompagnée d'une grotte cadette, etc. Les emboîtements lignagés de certaines sociétés d'Afrique de l'Est, bien qu'ils soient moins formalisés que le Kalpul, répondent au même principe. Soit que les lignages sont hiérarchisés selon l'ordre des segmentations successives par rapport au lignage souche, au lignage d'origine, soit qu'existent des sortes de castes lignagères que différencient les descendants de chefs, les maîtres de la terre, les forgerons, les captifs, et à cela s'ajoute en outre une distinction entre aîné et cadet qui joue à tous les niveaux comme un opérateur contrastif. Donc, comme l'exemple très brièvement évoqué des Tseltal et des Tzotzil l'indique, ou l'exemple des sociétés lignagères africaines, ou l'exemple de l'Ailou tel que j'en ai parlé dans les communautés andines contemporaines, les collectifs analogistes ne sont pas nécessairement des empires, ne sont pas nécessairement des royautés, ne sont pas nécessairement des États. Certains d'entre eux ont des effectifs humains extrêmement modestes, qui ignorent les stratifications du pouvoir, les disparités de richesse. Mais ils ont tous en commun, néanmoins, que leurs parties constitutives sont hiérarchisées. Ne serait-ce qu'à un niveau symbolique, sans effet direct, sur le jeu politique. Et la distribution hiérarchique, qui est souvent démultipliée à l'intérieur de chaque segment, délimitant ainsi, à l'intérieur de chaque segment, des sous-ensembles, qui se trouvent les uns vis-à-vis des autres, dans le même rapport hiérarchique que les unités de niveau supérieur. L'illustration la plus classique, évidemment, c'est celle du système des castes en Inde, dont le schéma général de subordination se répète dans la succession des emboîtements de niveau inférieur, c'est-à-dire dans les sous-castes composant les castes, dans les clans composant les sous-castes, dans les lignées composant les clans, etc. Un autre trait caractéristique des collectifs analogistes sur lesquels nous allons nous étendre un peu dans ce cours, c'est l'usage répandu dans toutes les dimensions de l'existence des symétries spatiales et temporelles et des structures répétitives en abîme. C'est un système dans lequel se multiplient les quartiers, les orients, les étages qui se renvoient l'un à l'autre, l'idée du retournement du cosmos sur son axe ou des cycles brefs de développement dont on a beaucoup parlé à propos des Mayas, la répétition du passé dans l'avenir, etc. Tous ces éléments sont des dispositifs qui permettent au fond qu'aucune singularité ne demeure en dehors du grand réseau des connexions. Et donc le rapport au sol joue ici un rôle extrêmement important, tant dans l'ordonnancement le long d'axes et de coordonnées que dans l'importance accordée à certains sites, qui sont généralement des sites cérémoniels, où sont périodiquement réaffirmés les droits aux ressources locales et les attachements à ceux qui rendent ces ressources locales accessibles. Mais le rapport à la Terre, il prend aussi un aspect singulier dans bien des collectifs analogistes, du fait qu'il est caractérisé par une sorte de souveraineté indirecte et distribuée. Le terroir agricole, les lieux de pêche, les territoires de chasse, les sites d'extraction de pigments, de fer ou d'argile, bref, la terre utile. Elle est sous le contrôle des segments composant le collectif, tandis que le cosmos, sa reproduction et sa fertilité sont en général sous le contrôle d'un seul individu, généralement un roi, qui ne rend de compte à personne. Car dans la grande majorité des royaumes précoloniaux d'Afrique, d'Asie, des Amériques, le monarque, ses parents, ses protégés ne possèdent pas la terre, dont ils ne peuvent donc tirer une rente directe. Ils sont plutôt vus comme des rouages dans un dispositif magico-religieux au cœur duquel se trouve le roi et qui fonctionne comme la condition pour que la terre, cette fois-ci avec un T majuscule, soit en harmonie avec elle-même, que les sols soient productifs et que la pluie arrive au moment opportun. Et s'il y a prélèvement de tribut, il intervient après la récolte et comme une sorte de compensation pour le fait que celle-ci ait été abondante. Dans le cas contraire, il faut plutôt craindre la colère des cultivateurs contre celui qui a pour mission d'assurer la fertilité du royaume. Une grande partie des richesses ainsi obtenues sont d'ailleurs redistribuées par le roi à ses courtisans ou investies dans des fêtes somptuaires, ostentatoires, données au profit de tous et célébrant l'unité du collectif. Donc ce que rapporte John Beattie, grand anthropologue d'Oxford, africaniste, à propos d'une population d'un royaume de l'Ouganda qui s'appelle les Banyoro et le royaume s'appelle le Nyoro. Il a décrit ça dans une monographie qui s'appelle The Nyoro State, publiée en 1971. Ce qu'il dit pourrait être généralisé à bien des monarchies prémodernes. Je cite Beattie, le Mukama, c'est le nom local du roi, gouverne les gens, les clans gouvernent la terre. Le roi gouverne les gens, les clans gouvernent la terre. Et comme le montre Beattie, dans ce royaume, qui fut autonome jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à l'arrivée de l'armée anglaise, l'autorité politique est de fait divisée entre quatre catégories de personnes. En premier, il y a le roi, le Mukama, qui possédait la totalité du pays, c'est-à-dire à la fois la terre et ce qu'elle contenait, et en vertu de cette souveraineté générale, le roi avait la faculté de déléguer à des chefs de rang divers son droit de contrôle sur des territoires et sur les populations qui les habitaient. Ces chefs, donc, tenaient leur pouvoir du roi et étaient responsables vis-à-vis de lui pour la bonne administration de leur zone. Et même s'ils recevaient à l'occasion un tribut en nature ou parfois en travail, des paysans qu'ils supervisaient, les chefs n'exerçaient une autorité que sur les gens et non sur les terres. Donc il ne s'agissait pas d'un servage au sens européen, c'est-à-dire d'une domination sur des personnes en tant qu'elles sont attachées à un lieu sur lequel s'exerce une souveraineté, puisque les personnes en question pouvaient, s'ils étaient mécontents de leur chef, se déplacer librement dans la zone de juridiction d'un autre chef, qui était d'ailleurs une occurrence assez fréquente. Le troisième type de droit sur la terre était celui dont disposaient les chefs de lignage à l'intérieur des groupes claniques agnatiques, leur autorité étant restreinte à l'allocation de droits de culture et de résidence sur les territoires claniques. Enfin, le dernier type de droit sur la terre était celui des chefs de famille, à savoir le droit de construire une maison, c'était une affaire assez simple, ça se faisait en une journée, le droit de cultiver et le droit de faire paître le bétail, tout droit qui pouvait être abrogé en certaines circonstances. Alors, de ces quatre types de droits sur la terre, on voit que deux n'en sont pas vraiment. Ceux des différents types de chefs de district qui n'ont de souveraineté que déléguée parce que provenant du roi pouvant d'ailleurs être supprimés à tout moment par le roi et s'exerçant sur des personnes et non sur des territoires, d'une part, et ceux des chefs de famille qui ne disposent du droit à exploiter la terre qu'en tant qu'ils l'ont reçu des chefs de lignage. Ainsi se précise la formule « le roi gouverne les gens, les clans gouvernent la terre ». La souveraineté du roi, elle s'exerce sur le collectif sociocosmique en général, sur l'assemblage des humains et des non-humains qui composent ce collectif, et non sur la terre nourricière, productive, qui est sous le contrôle des clans, mais pas de façon absolue. Parce que comme le note Beatty, je le cite là, la notion de droit sur la terre, droit permanent et inconditionnel, correspondant à ce que nous entendons par la propriété pleine et entière. Je traduis ainsi l'expression anglaise « freehold ». Cette notion de droit ne s'est pas développée avant la déposition du roi Kabarega, c'était le nom du dernier roi, Nero, par les autorités britanniques, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle. Donc cette double souveraineté du roi et des clans portait donc sur des choses différentes, rendant peu productive la notion même d'appropriation de la terre, du fait de la diversité des régimes de contrôle de la terre et de la diversité des statuts de ceux qui exerçaient ce contrôle. Le cas du royaume Nioro n'a rien d'exceptionnel, bien au contraire. Dans la plupart des royautés non européennes, lesquelles constituent l'une des formes les plus communes de collectifs analogistes, les communautés locales ou les groupes de filiation étaient les maîtres reconnus de la terre, au premier chef, parce que ces unités sociales étaient vues comme ayant reçu l'usufruit des droits d'usage du sol des vrais propriétaires de la terre, ou de ses maîtres, à savoir les esprits, les divinités, les génies du lieu. Et comme on aura l'occasion de le voir dans des leçons ultérieures, la situation n'est guère différente dans les Andes. Comme l'écrit le regretté, parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, andiniste Tom Zuidema, je le cite, « Dans différentes parties des Andes, l'eau pour l'irrigation était la propriété des premiers occupants, qui formaient la strate la plus basse de la population. Les gens de rang plus élevé ne pouvaient obtenir des droits sur l'eau qu'avec le consentement des petits fermiers, les premiers utilisateurs de l'eau d'irrigation. Les mythes de fondation, poursuit-il, nous conduisent à croire que la situation était identique à Cusco sous les Incas. » Donc plus généralement, c'est la capacité à incarner et donc à rendre possible une destinée commune, un projet partagé et une prospérité bénéficiant à tous, qui permet aux délégués en ce monde des puissances extra-humaines, disons, d'exercer un pouvoir qu'ils ne tirent pas, ou très rarement, d'un contrôle effectif et direct des moyens de production. La clé de leur succès, elle réside dans le fait tout à fait banal et maintes fois souligné que les humains n'ont pas la maîtrise des conditions de leur existence. La mortalité, l'infortune, la vitalité, la fertilité sont capricieuses. Et surtout là où domine la subsistance fondée sur la céréaliculture, c'est-à-dire dans la grande majorité des collectifs analogistes, je ne fais pas de déterminisme technique là, mais c'est un constat, l'imprévisibilité de la manifestation de ces qualités, de ces événements, la vitalité, la fertilité, etc., rend les humains particulièrement dépendants de ceux qui sont réputés contrôler et faciliter l'existence matérielle. Dans les collectifs analogistes, plus encore que dans d'autres collectifs non modernes, l'ordre social n'est pas déterminé par les conditions juridiques de production, c'est-à-dire en termes matérialistes, disons, par ceux d'entre les humains qui détiennent les moyens de production, puisque l'usage effectif de ces moyens dans l'agriculture, dans l'élevage, dépend en définitive des dispositions d'agents non humains, ou qui ne le sont plus, des divinités, des ancêtres, des esprits du lieu, et de l'habileté des spécialistes rituels qui représentent physiquement ces agents ou qui en sont leurs médiateurs. Et donc le pouvoir de ces derniers, les rois sacrés, les magiciens, les faiseurs de pluie, les prêtres, etc., ce pouvoir, il n'est que très rarement assis sur la propriété exclusive, effective des moyens de production, comme l'anthropologie marxiste s'était évertuée en vain à l'établir dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Ce pouvoir, il est au contraire fondé, pour l'essentiel, sur la capacité pour un humain à être lui-même perçu comme un moyen de production légitime. Le plus déterminant, sans doute, des moyens de production, celui qui permet à tous les autres moyens de production de remplir efficacement leurs fonctions, à savoir le pouvoir surhumain d'assurer la fertilité des champs et des pâtures, de tenir à distance les intempéries ou les insectes ravageurs des récoltes, ou de maintenir dans la pérennité le flux des sources et des cours d'eau. Comme l'écrivait Audrey Richards, autre grand anthropologue de l'école d'Oxford africaniste, à propos du peuple Bemba dans l'actuelle Zambie, je cite Richards, « Croire au chef, c'est cultiver, c'est-à-dire travailler la terre, dans l'espoir et dans l'assurance que la terre donnera, à coup sûr, le plus qu'elle peut. » Donc peu importe au fond à qui appartient la terre, puisque l'accès à celle-ci et le travail humain pour la mettre en valeur ne sont que des conditions nécessaires mais non suffisantes, et que l'on a surtout besoin, pour la faire fructifier, la terre, des capacités d'intermédiation qui sont prêtées à un individu ou à un groupe humain qui est ainsi investi d'une position qui va le détacher du collectif. Et c'est cette position de détachement que nous allons examiner dans les leçons qui viennent. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 8 février 2017 Philippe Descola, Les usages de la terre, cosmopolitique de la territorialité. Aujourd'hui, collectifs animistes et collectifs analogistes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Descola et sa bibliographie. Il a notamment publié par De la nature et culture en 2005 chez Gallimard, et plus récemment, La composition des mondes, entretien avec Pierre Charbonnier chez Flammarion en 2014. Je vous recommande aussi le merveilleux roman graphique d'Alessandro Pegnocchi, Aninthe, nouvelle des Indiens Jivaro, une œuvre et un itinéraire inspiré par Philippe Descola, qui a d'ailleurs préfacé cette BD, publiée chez Stinkis en 2016. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Philippe Descola son enquête sur les rois sacrés et les faiseurs de pluie dans les collectifs analogistes. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.